Bonsoir à tous, je m'appelle Jean-François. Vous écoutez l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM 89.3. En cette veille de la Saint-Jean, je vous ai préparé une sélection de rock indépendant assez variée qui comprend entre autres la musique des Chiens, Tricky Who et Little Dead Men. D'ailleurs, vous avez sûrement entendu pendant les publicités, si vous cherchez un endroit pour fêter la Saint-Jean ce soir malgré la pluie, CISM sera présent au Parc du Pélican à Rosemont pour la 3e édition de l'autre Saint-Jean. La programmation de cette année est assez impressionnante avec Galaxy, Carquois, Gatineau, Jimmy Hunt et ai-je besoin d'ajouter également Yann Perrault pour compléter le tout. L'émission d'aujourd'hui s'est ouverte avec les nitrates de Madame Milleux et la chanson Ne t'en fais pas, leur tête roulera. Ça se retrouve sur le premier album du groupe disponible sur Bandcamp depuis à peu près un mois. Le groupe Les Nitrates de Madame Milleux, on n'a pas beaucoup d'infos sur eux, sinon qu'ils sont un trio de Sutton en Montérégie et qu'ils se promènent entre le rock, le folk, la pop et le lo-fi, mais toujours en français. Ils incorporent également beaucoup de claviers dans leur musique. Ils sont sous contrat, ce qu'on peut savoir, avec l'étiquette de disque du Sidatic Optimiste. Ah ben. On va maintenant écouter le tout premier extrait du nouvel album de Stephen Monkmouse and the Jicks appelé Mirror Traffic, réalisé par nul autre que Beck et qui sortira le 23 août prochain. Monsieur Monkmouse sera d'ailleurs au Corona de Montréal le 23 septembre dans le cadre du Festival Pop Montréal. Voici la chanson Senator de Stephen Monkmouse and the Jicks. The toxins American made, weapons class grade sludge for migrants. Dioxin, the chemical sunset, the number one subset of all. I know what the senator wants, what the senator wants is a blowjob. What the senator wants, what the senator wants is a blowjob. Panic in the antechamber, motion to impeach. Cattle prod the working classes, there's some things you can't teach. Cause we're better. Thank you. pays de Galles, We Are Animal avec Luminous Lights, un extrait pas mal du tout qui précède le deuxième album du groupe qui devrait suivre plus tard cette année. C'était précédé de N'avé Confi avec Je voudrais te découper, très sympathique, qui se retrouve sur son EP1 qui a permis de le découvrir justement en 2003 avec le succès Les gens, je me trompe pas. N'avé Confi présentera ce soir pour la première fois les chansons de son nouvel album accompagné du groupe El Moteur qui feront de même à partir de 21h au Quai des Brumes à Montréal. Pour revenir à N'avé Confi, Jean-Philippe Fréchette, le gars derrière le projet, signe aussi la musique de l'opéra rock de Clotaire Rapaille, plutôt, qui sera présenté au ZooFest en juillet. On retourne en musique avec deux groupes qui font de la musique en espagnol. Vous entendrez le groupe Panico, qui sont du Chili, mais qui ont décidé de s'installer en Angleterre pour travailler avec le réalisateur Gareth Jones, qui a enregistré avec Depeche Mode et Liars, entre autres. Vous entendrez la seule chanson en anglais sur leur album Kick, la chanson Bright Lights. Mais on commence avec Nueva Volcano, qui sont de Barcelone, en Espagne, de l'album principal Primera. Voici Urgencias sur les ondes de CISM 89.3. du Chili, c'était Panico avec Bright Lights jusqu'à 20h. Vous écoutez l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM 89.3. Le prochain groupe vient de San Diego en Californie et vient de lancer un 7 pouces de 3 chansons dont une qui s'appelle Bullets. On va entendre ça. Ce sera suivi de Phil Console, le projet de Philippe Beauséjour, Ariane Michaud et Jean-Michel Coutu qui est aussi du groupe Il danse avec les genoux. Les deux groupes seront d'ailleurs en spectacle ce dimanche, le 26 juin, au Quai des Brumes, en session acoustique. Vous pourrez entendre Flamme, Puissance, Explosion, que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site de Phil Console. On écoute ça tout de suite, mais pour tout de suite, voici Little Dead Man sur CISM 89.3. Yeah. sur CISM 89.3, c'était Les Chiens avec Le Troisième Œil, une des deux chansons inédites qui se retrouvent sur la compilation sortie en 2007. L'été dernier, au Francophonie, le leader du groupe Éric Goulet nous avait promis pourtant des nouvelles pour l'automne dernier, mais depuis, rien d'annoncé. Étrange. Avant Les Chiens, c'était Lila Dissa qui était au Francophonie la semaine dernière avec la chanson Je suis Jane. Le prochain segment va être un peu plus rentre-dedans avec d'abord les légendaires Tricky Who qui étaient à leur sommet avec l'album Sometimes I Cry en 1999. Ça, c'est de mon propre opinion. Juste un peu trop tôt pour le retour du rock garage du début des années 2000. À ce moment-là, le départ du guitariste Adrian Popovich a coïncidé avec un trip psychédélique dans le groupe qui a finalement mené à la séparation de Tricky Who en 2002. Le groupe s'est pourtant réuni en 2005 et a lancé l'album First Blush, mais tout ce qui faisait l'âme de Tricky Who, le son garage, les cris du chanteur Andrew Dixon, avait été évacué pour plaire aux éditeurs de Chaume, et ça, c'est pas super. Alors, à l'émission Le Terminus, voici Side-Eyed Woman de Tricky Who. Woman! tell me all the things that makes you growl before you head your blow. Oh. Double game, you miss me out. I'm missing you off the face we know. Just don't realize the answer you got to piss you out. Killing us, killing me. We've got the wheels, double kill. De Cambridge en Ontario, le duo Hot Kid avec Yours and Mine. C'est tiré du EP Under the Streetlight sorti l'année dernière. Et on entendait aussi, juste avant, la défunte formation de Montréal, les Pugilistes avec So Wild de leur unique album Gimme Some Kick. Si vous allez fêter la Saint-Jean au parc du Pélican à Rosemont tout à l'heure, passez voir l'équipe de CISM sous la tente identifiée à la station. Je crois qu'il fait un peu plus beau à l'extérieur maintenant. Par contre, si vous restez à la maison, Étienne Champagne suit dans quelques minutes avec son émission Rhythmologie. Visitez le CISM893.ca pour la liste des chansons diffusées ce soir ou encore pour télécharger la balado-diffusion de l'émission. Il y a aussi le blog de l'émission leterminus.ca. On se laisse avec le projet solo de Thurston Moore de Sonic Youth. Son album Demolished Touts, sorti plus tôt cette année, nous amène dans un univers folk complètement différent de celui de Sonic Youth. J'ai choisi pour vous la chanson Circulation. Je m'appelle Jean-François. L'émission Le Terminus sera de retour la semaine prochaine dès 19h. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Black Keys, le 11 juillet au Centre Bell. I wanted love, I needed love, most of all.